Section 10 de La Lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Lecture, tome 7e, section 10, Les Amours de Gilles. Livre 4e, Isabelle, par Louis Morin. Chapitre 1er. Comment Gilles, parce qu'il avait aimé Séraphine, ne put se défendre d'aimer Florise. 2 mois après, Gilles était amoureux de Florise comme il avait été de Séraphine. Comment cela était-il arrivé? Par quelles embûches savantes la comédienne l'avait-elle fait tomber dans ses filets? Et par le moyen le plus ordinaire des coquettes, en faisant toujours des avances et en se refusant toujours. Florise était une rusée, c'était dans la vie réelle une véritable colombine de théâtre, l'une de ces femmes qui se croiraient perdues si elles exprimaient simplement ce qu'elles ressentent. Qui l'aurait bien connue eût dit qu'elle avait fait le vœu de ne jamais dire la vérité, de ne jamais paraître ce qu'elle était. Mais personne ne connaissait Florise, personne ne pouvait dire si elle était bonne ou mauvaise. Et pourtant, ce n'était pas l'être ondoyant et divers qui penche tantôt vers le bien et tantôt vers le mal, dans une lutte continue avec sa conscience. C'est une être d'instinct, une passionnée, tant mieux si sa passion s'accordait avec le devoir. Tant pis s'il en était autrement. Elle allait tout droit son chemin, son masque de mensonge sur la figure, jusqu'au but, jusqu'à la réalisation de son désir. Et son désir était multiple. Florise était une artiste. Elle avait l'amour intelligent de toutes les choses qui sont dignes d'occuper l'esprit et de satisfaire les sens. Elle aimait l'amour, mais elle voulait mutuel, et elle ne se fût pas accommodée, ainsi que font la plupart des comédiennes, d'être adorée par un homme qu'elle n'aurait pas pu payer de retour. Elle aimait la toilette, mais pour la toilette elle-même et pour le plaisir qu'elle et les autres en avaient, et non par vanité. Elle aimait de même le luxe, les meubles et la bonne chère. Elle comprenait un joli tableau. Cela lui faisait plaisir aux yeux, et c'était pour le regarder souvent qu'elle voulait le posséder. Florise avait de l'éducation. Elle était la filleule du comte Alghirotti, un vieux sénateur riche et puissant, et, à la mort de ses parents, elle était devenue la pupille de son parrain. Le comte était veuf, sans enfant, et brouillé avec ses cousins. C'était une façon de peu concurrente. Il était quelque peu misanthrope, ayant fait le tour des connaissances humaines et épuisé la somme des plaisirs d'ici-bas, licites ou illicites. Il n'habitait plus son palais, ne prenait plus de plaisir à regarder les collections qu'il y avait accumulées. Il ne fréquentait plus le broglio de la Piazzetta, à cause des immondes tripotages de voix qui s'y faisaient. Il ne prenait plus part aux délibérations du Sénat, où ses récriminations contre la faiblesse croissante du gouvernement avaient fatigué tout le monde. Il s'était réfugié dans le petit appartement où il faisait élever Florise sous la garde d'une vieille gouvernante, et il vivait là comme un simple bourgeois, oublieux de ses splendeurs délaissées. Alors, pour se désennuyer, pour passer le temps, il s'était occupé de Florise, se donnant la tâche de l'instruire. Cela le rajeunissait de s'occuper de cette fillette dont les vivacités le réveillaient, dans l'engourdissement d'esprit où il tombait par moments, et dont le désir de savoir le forçait à secouer une paresse qui lui était à charge. Il avait pour elle rouvert ses livres délaissés depuis longtemps. Il regardait ses tableaux pour les lui expliquer. Il retrouvait dans les facies les enthousiasmes de la petite, quelques-unes de ses sensations oubliées d'autrefois. Il sentait son esprit rajeunir et se comparait parfois à ces vieillards des noires légendes de la sorcellerie qui buvaient communaux de jouvence le sont des petits-enfants. Il redevint même si jeune qu'il séduisit sa pupille et en fit sa maîtresse. Mais ce criminel plaisir fut le dernier qu'il goûta sur la terre. Très peu de temps après, il mourut subitement sans avoir fait de testament en faveur de Florise, comme il en avait la ferme intention. Et la pauvre petite, chassée honteusement par les héritiers de son vieil amant, se trouva aussi pauvre et aussi délaissée que si elle avait cédé à l'amour du premier officier de fortune venue. Mais une fille jeune, jolie et point sotte n'est jamais dans l'embarras. Florise eut bien vite trouvé des amoureux. Pendant quelques années, elle mena la vie des courtisanes de Venise. Une vie très douce qui rappelait, à deux siècles de distance, la vie des glorieuses filles de joie contemporaines du Titien et de l'Aretin. Elle fréquentait les casinos dans la société familière des plus nobles seigneurs et des plus grandes dames, car les patriciennes du siècle, qui chez elles, dans leur palais du Grand Canal, n'eussent point abaissé un regard sur une fille de rien, ne dédaignaient point de s'amuser en sa compagnie sur ce terrain neutre du jeu où toutes les classes se coudoyaient. Florise avait une cour de galants muguets. 20 désœuvrés de grands noms passaient leur temps à lui faire la conduite, à se disputer l'honneur de ramasser son éventail ou de porter son King Charles, et leur bourse était toujours prête à s'ouvrir pour qu'elle y plongeât ses jolies mains. Ils ne demandaient rien, le plus souvent, l'honneur de l'entretenir. Tout à coup, elle cessa de fréquenter pendant le jour les lieux de plaisir et les cavaliers servants qui l'accompagnaient durent la quitter à la porte bâtarde d'un atelier de peintre. Elle s'était éprise du talent de Tiepolo et lui posait gratuitement, pour le plaisir, ses figures d'anges ou de dames d'autrefois. Elle trouvait à satisfaire dans l'atelier du maître son amour désordonné de la fantaisie. Il y avait là, entassés, des objets précieux, de riches étoffes, des instruments de musique de formes rares et curieuses, des armes anciennes, des costumes étranges. Florise se déshabillait et, avec une impudeur tranquille, elle étalait aux yeux ravis du peintre les merveilles de son corps. Ses jambes longues et fines qu'il aimait à copier pour les attribuer aux anges qu'il voltige dans les clairs paradis et trouble les dévots des Gesuati et de la Pietà, ses seins exquis qui devenaient ceux de Vénus ou de la reine Cléopâtre, sa tête élégante et malicieuse qu'il prenait pour modèle de ses pages et de ses musiciens. Ce fut avec Tiepolo que Florise apprit l'art de la draperie et du vêtement. Souvent les deux artistes, le peintre et le modèle, passaient des heures à tordre les velours, à casser les brocarts, à faire miroiter les satins, voltiger les mousselines, à disposer les perles, les bijoux, les ceintures d'or, les agrafes de diamants, les plumes et les couronnes. Souvent, Florise, pour permettre à Tiepolo de réaliser un raccourci rêvé, un de ces tours de force où se plaisait son génie, grimpait bravement aux échelles, escaladait les échafauds et montait jusqu'aux voûtes pour figurer une divinité de l'air, une madone trônant sur les nuages. Puis Tiepolo partit pour l'Espagne et Florise se trouva de nouveau réduite à l'esprit malicieux, mais si fut-il des jeunes nobles de Venise. Ce fut alors que l'idée lui vint d'être comédienne. Elle avait déjà fait quelques essais sur des scènes particulières chez des grands seigneurs qui se donnaient le luxe de la comédie à huis clos. Elle vit jouer Gilles pendant l'été. S'épris de son art si particulier et ayant appris que Cornelio cherchait une colombine, s'alla bravement offrir à lui. Il la fit répéter, fut content de son talent et ravie du titre de simple amateur qu'elle demandait. Depuis qu'elle était au théâtre, elle avait fait la modeste et joué un rôle effacé, à ce point que Gilles l'avait à peine remarqué. Elle étudiait, observait, puis elle avait décidé à part elle que Gilles étant l'homme de Venise le plus capable de satisfaire son cœur et son esprit, il serait son amant. La rencontre au bal du couvent avait été la première escarmouche. Elle avait ce jour-là été puissamment aidée, à son insu, par cette circonstance fortuite d'une ressemblance, apparue tout à coup à Gilles, entre sa voix et celle de Séraphine. Les premiers engagements eurent lieu au même couvent de San Zaccaria où elle s'était procuré la facilité de jouer seule avec Gilles. Elle sentit que l'orgueil était le plus grand défaut de l'acteur et frappa tout de suite à ce point sensible. Sur ce terrain, Paquette devait être battue tout de suite. La pauvrette trouvait que son mari était le plus grand comédien des temps présents, passés et futurs, et cela lui semblait si évident qu'elle ne pensait même pas à le féliciter lorsqu'il avait quelques grands succès. Florise sut flatter Gilles comme il aimait à l'être. Il se sentait tout de suite compris et apprécié dans l'effort qu'il avait fait. Elle lui demandait des conseils et les suivait très intelligemment, en lui faisant croire qu'elle lui devait tous ses progrès. L'ami qu'elle avait au couvent lui fut d'un très grand secours pour se faire aimer de Gilles. C'était une jeune veuve, sa compagne d'enfance, qui avait été obligée par convenance de rompre avec Florise, la courtisane, une femme mariée ne pouvant fréquenter une fille légère. Maintenant que l'une était veuve et l'autre comédienne, aucun usage ne s'opposait à ce qu'elles se vissent au parloir pendant la journée et le soir où bon leur semblait. Donna Balbine avait un doux air qui lui permettait de faire bonne figure à San Zaccaria. Ce fut elle qui, passionnée pour la comédie, introduisit Thalie dans le couvent. Jusqu'alors, on n'y avait souffert que des guignols. Mais si les pièces étaient innocentes, pourquoi ne pas laisser entrer la comédie sur ce terrain banal qui n'était pas regardé comme un lieu consacré, le parloir? Gilles et Florise donnèrent d'abord des pièces françaises de Berquin, de petits proverbes, des impromptus bénins. Cela précédait ou suivait un concert ou un bal. Puis un peu d'amour se glissa dans les sujets des comédies et personne ne songea à s'en plaindre. Gilles devint un monéguino très assidu. Donna Balbine l'invitait à de petits soupers qu'elle offrait aux gens de la ville. Florise en faisait toujours partie. Cela se passait très gentiment. De chaque côté de la grille, il y avait une table et les barreaux étaient assez écartés pour que l'on pût passer les petits plats, les flacons, les friandises. Quelquefois, Gilles se trouvait seul avec Balbine. Elle plaidait alors très adroitement la cause de son ami. Elle excellait aux sous-entendus et aux insinuations. Et toute une conversation était souvent pour faire entendre trois mots qu'elle ne voulait pas dire. Elle savait si bien faire que Gilles la quittait persuadée que Florise avait pour lui une passion insurmontable. Mais quand il se trouvait devant Florise, c'était tout autre chose. Il se croyait alors certain qu'au premier mot d'amour, elle se moquerait de lui. En définitive, Paquette fut tout doucement chassée de son cœur sans qu'il s'en aperçût, et Florise s'empara de la place sans avoir paru l'ambitionner. La dernière épreuve à laquelle elle le soumit fut de lui demander ses conseils au sujet des liaisons qu'elle avait avec quelques personnages de la ville. Un jeune homme est très mauvais conseiller d'une femme galante. Il a bien vite fait de changer de rôle. Florise disait qu'elle était l'amant et qu'elle souhaiterait, et le portrait qu'elle en faisait était bien pareil à celui que l'on aurait pu faire de Gilles. Mais s'il succomba, ce fut surtout pour des raisons très subtiles et que Florise ne connut jamais. Souvent, lorsqu'elle lui parlait, il la regardait attentivement, semblant chercher sous ses traits la ressemblance d'une autre personne, de Séraphine. Le timbre d'argent l'avait mis sur la voie. Quelques siècles plus tôt, un homme placé dans une position analogue se fut cru poursuivi par une de ces diablesses amoureuses qui entraient dans le corps des femmes pour séduire les jeunes gens et les posséder. Gilles n'avait point de ces idées, mais il restait quelquefois stupéfait que les yeux bleus de Florise eussent le même regard, le même, que les yeux noirs de Séraphine, que les lèvres minces de Florise eussent le même sourire que les lèvres charnues de Séraphine, et que ses cheveux blonds rappelassent invinciblement les cheveux bruns de sa première maîtresse. Un soir, Gilles ne rentra pas, Riva Carbone. Fin de la section 10, lue par Agnès Aubi, 2024.